Amis humains, bonjour, les bisounours de la politique. Ne trouvez-vous pas cela étrange, le concept de parti écolo? Tant qu'on y est, pourquoi pas un parti financier, un parti sanitaire, un parti militaire? Quel est le sens de ne choisir qu'un sujet pour définir la politique tout entière d'un parti? Qu'est-ce que c'est que ce concept complètement incongru et loufoque d'un parti qui se définit tout entier par l'écologie? Peut-on faire plus niais? Attention, je ne suis pas anti-écolo, loin de là, loin de là. J'essaie seulement d'aller au-delà des apparences. Ne trouvez-vous pas étrange que d'un côté, dans toute l'Europe, ce sont les partis d'extrême droite qui monopolisent les idées souveraines et démocratiques, donc anti-européennes, FN, Aube Dorée, Ligue du Nord. Et que de l'autre, vous avez en France un gentil parti écolo, avec pour logo un joli petit yourn glissé à côté d'Écologie Les Verts, pourquoi pas les lutins et les fées de la forêt, avec des jolies étoiles jaunes innocemment déposées sur un fond vert pâle. Et avec écrit écologie en gras et Europe en maigre, le tout auréolé d'une jolie fleur de tournesol jaune pâle sortie d'un dessin animé. Vous voyez la gentille fleur à gauche, la gentille fleur qui propose innocemment la destruction de l'État-nation, eh bien elle risquerait de se faire brûler par la flamme à sa droite, la flamme de l'extrême droite, qui paraît-il, veut sortir de l'Union européenne. C'est le même schéma dans tous les pays d'Europe, avec un parti d'extrême droite qui porte les idées auxquelles le système politico-médiatique ne veut pas que nous adhérions, tout en occultant complètement l'essentiel qui se cache derrière tout ça, et tout en les mélangeant régulièrement à des propos odieux sans fondement ni lien avec le reste pour dégoûter la population de considérer ce que seuls ces partis d'extrême droite disent, qui malheureusement est la vérité qu'ils salissent, consciemment. Just going for several rounds. More than 20 years now, we've been hosting this live national sailing championship. Et à côté de cela, les gentils écolos verts proposent innocemment la dissolution de l'État-nation. Je ne sais pas si c'est le cas dans les autres partis écolos d'Europe, mais je serais prêt à le parier. Il suffit de s'arrêter quelques secondes sur le principe complètement incongru et loufoque du concept d'un parti écolo qui n'a absolument aucun sens politique. Imaginez si l'on créait un parti économique ou un parti de l'immigration. Bien que, je le répète, l'écologie est un sujet très important, là n'est pas le propos. Cela aurait pu être le hasard si ce concept loufoque de parti écolo n'existait que dans un pays d'Europe. Or, ce n'est pas le cas et je me pose une question à laquelle j'aimerais que vous me donniez votre avis. Je me demande si ce n'est pas un habile moyen de créer l'inverse du FN qui est l'objet de l'ego politique français, et de rendre artificiellement ce parti écolo innocent, inoffensif, et de blanchir les idées qui devraient au contraire nous horrifier, c'est-à-dire la dissolution totale, officielle et décomplexée de l'État-nation dans l'Union européenne, c'est-à-dire de la démocratie, de ce que des générations d'ancêtres ont cherché à obtenir, de notre constitution déjà bien aliénée, de ce qui devait garantir le liberté, égalité, fraternité qui n'existe malheureusement officieusement presque plus depuis au moins 1992 et a fortiori depuis 2007 soit dit en passant. Europe Écologie Les Verts, avec Europe Écologie côte à côte, cela ne rend-il pas l'Europe un peu plus gentille? Mais comment peut-on être écolo et méchant? En conséquence, voyez-vous le schéma politique qui se dessine inconsciemment dans nos esprits? Voyez-vous comment fonctionnerait l'étau, avec à gauche ELV et à droite le FN pour nous remettre encore et toujours sur le droit chemin de la politique modérée bien pensante et sérieuse de l'impro européenne mais qui se dit cependant patriotique? Attention oxymoron. À bientôt, et grosse bise numérique.